les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il n'écrivait pas, il dictait. Ce dont il était le plus fier, Solal, Mangeclou, Belle du Seigneur, Le Livre de ma mère, Les Valeureux, non, être l'auteur de l'accord international du 15 octobre 1946 sur la protection des réfugiés. Ça, c'est mon affaire, disait-il, au micro de Françoise Estève et Jean Couturier. Le reste, c'est des rêves. Ces rêves, les romans, l'écriture, les personnages, l'enfance, la passion amoureuse, le deuxième mariage, extrêmement triste, les avis du recteur Mangeclou, Corfou, le ghetto de Céphalonie, ces rêves donc nourrissaient une série de 5 émissions, dont voici les titres successifs éclairants. Belle du Seigneur, le piège à souris, Belle du Seigneur, les anges paléolithiques, Belle du Seigneur, l'iconoclaste, Ô vous, frères humains, un vieil homme de 10 ans blanc sur un rideau noir, et enfin, Mangeclou, un mariage miraculeux de contradictions. Et bien sûr, et avant tout, Albert Cohen. Voici le premier volet de cette série, diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 août 1982, quelques mois après la disparition d'Albert Cohen. Encore, disait-elle, serre-moi encore, serre-moi plus fort. Oh, elle avait besoin de son amour, en voulait vite, en voulait beaucoup, car la porte allait s'ouvrir, elle se serrait contre lui, voulait le sentir, le serrer de toutes ses mortelles forces, à voix basse et fiévreuse, elle lui demandait s'il se retrouverait après, là-bas. Et elle souriait que oui, il se retrouverait là-bas, souriait avec un peu de salive moussant au bord des lèvres, souriait qu'ils seraient toujours ensemble là-bas, et rien que l'amour vrai. L'amour vrai là-bas. C'est qu'elle a, elle a à ce moment-là, près de sa mort, elle a cette vision de l'amour vrai, qu'elle n'a pas eu pour lui, parce que c'était le beau Solal. L'admirable cavalier insolent. Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des deux chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Dans la forêt, aux éclats dispersés de soleil, immobile forêt d'antique effroi, il allait le long des enchevêtrements, beau et non moins noble que son ancêtre Aaron, frère de Moïse, allait, soudain riant et le plus fou des fils de l'homme, riant d'un signe jeunesse et amour. Soudain arrachant une fleur et la mordant, soudain dansant, ô Seigneur, aux longues bottes, dansant et riant au soleil aveuglant entre les branches, avec grâce dansant, suivi des 2 raisonnables bêtes, d'amour et de victoire dansant. Il s'arrêta. Et voici, ayant baisé à l'épaule le valet, il lui prit la valise de l'exploit. Et il lui ordonna d'attacher les rênes à cette branche et de l'attendre. De l'attendre aussi longtemps qu'il faudrait, jusqu'au soir ou davantage. De l'attendre jusqu'au sifflement. Et dès que tu entendras le sifflement, tu m'amèneras les chevaux. Et tout l'argent que tu voudras, tu l'auras, par mon nom. Car ce que je vais tenter, nul homme jamais ne le tenta, sache-le. Nul homme depuis le commencement du monde. Oui, frère, tout l'argent que tu voudras. » Ainsi dit-il, et de joie, il châtia sa botte avec sa cravache, et il alla vers son destin et la maison où cette femme vivait. « Françoise Estève, Jean Couturier. Albert Cohen. Belle du Seigneur. Le piège à souris. Il s'arrêta. Et voici, ayant baisé à l'épaule le valet, il lui prit la valise de l'exploit. Et il lui ordonna d'attacher les rênes à cette branche et de l'attendre. De l'attendre aussi longtemps qu'il faudrait, jusqu'au soir ou davantage. De l'attendre jusqu'au sifflement. Et dès que tu entendras le sifflement, tu m'amèneras les chevaux. Et tout l'argent que tu voudras, tu l'auras, par mon nom. Car ce que je vais tenter, nul homme jamais ne le tenta, sache-le. Nul homme depuis le commencement du monde. Oui, frère. Tout l'argent que tu voudras. » Ainsi dit-il, et de joie, il châtia sa botte avec sa cravache, et il alla vers son destin et la maison où cette femme vivait. Devant la villa cossue du genre chalet suisse et qui semblait en acajou tant elle était astiquée, il considéra les cupules de l'anémomètre qui tournaient lentement sur les ardoises du toit, se décida. Valise à la main, il poussa avec précaution la grille du jardin, entra. Arrivé devant la grande baie, il regarda, dissimulé par le lierre. Dans le salon de velours rouge et de bois doré, elle jouait, assise devant le piano. « Joue, ma belle, tu ne sais pas ce qui t'attend », murmura-t-il. Grimpé sur le prunier, il se hissa jusqu'au balcon du premier. Posa son pied sur la chaîne d'encoignure, puis sa main sur une pièce de bois en saillie fit un rétablissement, atteignit l'appui de la fenêtre du deuxième étage, écarta les volets à demi fermés, puis les rideaux, entra d'un bond dans la chambre. Voilà. Chez elle, comme hier et avant-hier, mais aujourd'hui, il se montrerait à elle et il oserait vite préparer l'exploit. Le torse nu, penché sur la valise ouverte, il en retira un vieux manteau délabré et une toque de fourrure mitée. S'étonna de la cravate de commandeur que sa main venait de rencontrer. Autant la mettre puisqu'elle était là, rouge et belle. Se l'étant noué autour du cou, il se campa devant la psyché. Oui, oui, beau, beau à vomir. Visage impassible couronné de ténèbres désordonnées. Hanche étroite, ventre plat, poitrine large. Et sous la peau hâlée, les muscles, souple serpent entrelacé. Toute cette beauté au cimetière, plus tard, un peu verte ici, un peu jaune là, toute seule dans une boîte disjointe par l'humidité. Elle serait bien attrapée si elle le voyait alors, silencieux et raide dans sa caisse. Il sourit de petit bonheur, reprit son errance, de temps à autre soupesant son pistolet automatique. Il s'arrêta pour considérer le petit compagnon trapu, toujours prêt à rendre service. La balle s'y trouvait déjà qui plus tard... Oui, plus tard. Non, pas la tempe. Risque de rester vivant et aveugle. Le cœur, oui, mais ne pas tirer trop bas. La bonne place était à l'angle formé par le bord du sternum et le troisième espace intercostal. Avec le stylo qui traînait sur un guéridon près d'un flacon d'eau de Cologne, il marqua l'endroit propice. Sourit. Là serait le petit trou étoilé, entouré de grains noirs, à quelques centimètres du mamelon que tant de nymphes avaient baisé. Se débarrasser dès à présent de cette corvée, en finir avec le gang humain, toujours prêt à haïr, à médire, fraîchement baigné et rasé, il ferait un cadavre présentable et commandeur de surcroît. maintenant tenter d'abord l'entreprise inouïe. Béni sois-tu si tu es tel que je crois, murmura-t-il cependant que le piano continuait d'en bas ses délices. Et il baisa sa main, puis reprit sa marche, à demi-nu et absurde commandeur, contre ses narines tenant le flacon d'eau de Cologne sans cesse respiré. Vite le déguisement. Il endossa l'antique manteau d'étain, si long qu'il descendait jusqu'aux chevilles et recouvrait les bottes. Il se coiffa ensuite de la misérable toque de fourrure, l'enfonça pour dissimuler les cheveux, noirs serpentaux. Devant la Psyché, il approuva le minable accoutrement. Mais le plus important restait à faire. Il enduisit les nobles joues d'une sorte de vernis, appliqua la barbe blanche, puis découpa deux bandes de sparadrap noir, les plaqua sur ses dents de l'avant, à l'exception d'une à gauche et d'une à droite, ce qui lui fit une bouche vide où luisaient deux canines. Dans la pénombre, il se salua en hébreu dans la glace. Il était un vieux juif maintenant, pauvre et laid, non dépourvu de dignité. Après tout, ainsi serait-il plus tard, si pas déjà enterré et pourrissant. Plus de beau solal dans 20 ans. Immobile, soudain, il écouta des bruits de pas dans l'escalier, puis l'air de chérubin. Voice sapete che cosa è amor. Oui, chérie, je sais ce qu'est amour, dit-il. S'emparant de la valise, il s'élança, se dissimula derrière les lourds rideaux de velours. Ce qu'il y a, la vérité est la suivante. C'est que nous avons tous besoin du piège à souris que constitue une certaine beauté, une certaine beauté. Alors, pour commencer un amour, nous sommes obligés d'entrer dans cette ratière qu'est la plaisance corporelle. Une fois que nous sommes là-dedans, petit à petit, ce qui est d'ordre sexuel disparaît et vient ce qui est, pour moi, respectable. C'est l'estime qu'on peut avoir sur le caractère. Je défends mal ma cause, je la défends mal. Mais pourtant, j'y crois. Le début est sexuel, toujours. Et puis, Dieu merci, vient quelque chose d'autre si elle le mérite, ou s'il le mérite. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, à ce moment-là, je comprends très bien qu'une femme ayant commencé à aimer un homme qui n'est pas odieux à voir puisse continuer à l'aimer alors que le malheureux a tel ou tel avatar épouvantable physique. Et ça, je comprends très bien. Ça, je comprends très bien. Assis sur le bord du lit, elle grelottait dans sa robe du soir. Fou. Avec un fou dans une chambre fermée à clé. Et le fou s'était emparé de la clé. Appelé au secours. À quoi bon, personne dans la maison. Maintenant, il ne parlait plus. Le dos tourné, debout devant la Psyché, il s'y considérait dans son long manteau et sa toque enfoncée jusqu'aux oreilles. Elle tressaillit. S'apercevant que dans la glace, il la regardait maintenant, lui souriait tout en caressant l'horrible barbe blanche. Affreuse, cette lente caresse de méditation. Affreux ce sourire édenté. Non, ne pas avoir peur. Il lui avait dit lui-même qu'elle n'avait rien à craindre, qu'il voulait seulement lui parler, qu'il partirait ensuite. Mais quoi, c'était un fou? Il pouvait devenir dangereux? Brusquement, il se retourna et elle sentit qu'il allait parler. Oui. Faire semblant de l'écouter avec intérêt. Au Ritz, un soir de destin, à la réception brésilienne pour la première fois vue aussitôt aimée. Et de nouveau, ce fut le sourire noir où luisaient deux canines. Moi, pauvre vieux, à cette brillante réception, comme domestique seulement, domestique au Ritz, servant des boissons aux ministres et aux ambassadeurs, la racaille de mes parents d'autrefois, du temps où j'étais jeune et riche et puissant, le temps d'avant ma déchéance et misère. En ce soir du Ritz, soir de destin, elle m'est apparue, noble parmi les ignobles apparus, redoutable de beauté, elle et moi, et nul autre en l'accueil des réussisseurs et des avides d'importance. Mais pareil d'autrefois, nous deux, seuls, exilés, elle seule, comme moi, triste et méprisante et ne parlant à personne, seule amie d'elle-même et au premier battement de ses paupières, je l'ai connue. C'était elle, l'inattendu et l'attendu, aussitôt élue en ce soir de destin, élue au premier battement de ses longs cils recourbés. Elle, Boukhara divine, heureuse Samarcande, broderie au dessin délicat. Elle, c'est vous. Il s'arrêta, la regarda, et ce fut encore le sourire vite. Abjection de vieillesse. Elle maîtrisa le tremblement de sa jambe, baissa les yeux pour ne pas voir l'horrible sourire adorant. Supporter ne rien dire, feindre la bienveillance. Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer et à aimer peu. Et il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi. Un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir. Et ce fut la gloire et le printemps et le soleil et la mer tiède et sa transparence près du rivage et ma jeunesse revenue. Et le monde était né. Et je sus que personne avant elle, ni Adrienne, ni Aude, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur et jeunesse, toute d'elle, annonciatrice et servante. Oui, personne avant elle, personne après elle, je le jure sur la sainte loi que je baise lorsque solennelle à la synagogue devant moi, elle passe. D'or et de velours vêtu, saint commandement de ce Dieu en qui je ne crois pas mais que je révère, follement fier de mon Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et je frissonne en mes os lorsque j'entends son nom et ses paroles. Et maintenant, écoutez la merveille. Lasse d'être mêlée aux ignobles, elle a fui la salle jacassante des chercheurs de relations et elle est allée volontaire, bannie, dans le petit salon désert à côté. Elle, c'est vous. Volontaire bannie comme moi. Et elle ne savait pas que derrière les rideaux, je la regardais. Alors, écoutez, elle s'est approchée de la glace du petit salon. Car elle a la manie des glaces comme moi. Manie des tristes et des solitaires. Et alors, seule et ne se sachant pas vue, elle s'est approchée de la glace et elle a baisé ses lèvres sur la glace. Notre premier baiser, mon amour. Oh, ma sœur folle, aussitôt aimée, aussitôt mon aimée, par ce baiser à elle-même donné. Oh, l'élancer, oh ces longs cils recourbés dans la glace, et mon âme s'est accrochée à ces longs cils recourbés. Un battement de paupières, le temps d'un baiser sur une glace, et c'était elle, elle, à jamais. Dites-moi fou, mais croyez-moi, voilà. Et lorsqu'elle est retournée dans la grande salle, je ne me suis pas approché d'elle, je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas voulu la traiter comme les autres. Hantise d'elle, jour après jour, depuis le soir de destin. Oh, elle, tous les charmes, oh, l'élancée merveilleuse de visage. Oh, ses yeux de brume piqués d'or, ses yeux trop écartés. Oh, ses commissures pensantes et sa lèvre lourde de pitié et d'intelligence. Oh, elle, elle que j'aime. Oh, son sourire d'arriéré. Lorsque dissimulée derrière les rideaux de sa chambre, je la regardais et la connaissais en ses folies. Alpiniste de l'Himalaya en béret écossais à plumes de coq. Reine des bêtes d'un carton sorti, comme moi, de ses ridicules jouissants. Oh, ma géniale et ma sœur, à moi seule destinée et pour moi conçue. Et bénie soit ta mère. Oh, ta beauté me confond. Oh, tendre folie, effrayante joie, lorsque tu me regardes, ivre, quand tu me regardes. Oh, nuit, oh, amour de moi, en moi, sans cesse enclose, et sans cesse de moi sortie, et contemplée, et de nouveau pliée, et en mon cœur enfermée et gardée. Oh, elle, dans mes sommeils, aimante dans mes sommeils, tendre complice dans mes sommeils. Oh, elle, dont j'écris le nom avec mon doigt sur de l'air, ou dans mes solitudes, sur une feuille, et alors je retourne le nom, mais j'en garde les lettres et je les mêle. Et j'en fais des noms tahitiens, noms de tous ces charmes. Enirea, Raneia, Aneira, Neira, Nyarea, Irenea, Enaira, tous les noms de mon amour. Ô elle, dont je dis le nom sacré dans mes marches solitaires et mes rondes autour de la maison où elle dort, et je veille sur son sommeil, et elle ne le sait pas. Et je dis son nom aux arbres confidents. Et je leur dis, fou des longs cils recourbés, que j'aime, et j'aime celle que j'aime et qui m'aimera, car je l'aime comme nul autre ne saura. Et pourquoi ne m'aimerait-elle pas? Celle qui peut d'amour aimer un crapaud. Et elle m'aimera, m'aimera, m'aimera, la non-pareille m'aimera. Et chaque soir, j'attendrai tellement l'heure de la revoir. Et je me ferai beau pour lui plaire. Et je me raserai de si près pour lui plaire. Et je me baignerai longtemps pour que le temps passe plus vite. Et tout le temps, penser à elle. Et bientôt, ce sera l'heure. Ô merveille, ô chant, dans l'auto qui vers elle me mènera, vers elle qui m'attendra, vers les longs cils étoilés. Ô son regard, tout à l'heure, lorsque j'arriverai, elle sur le seuil m'attendant, élancée et de blanc vêtue, prête et belle pour moi, prête et craignant d'abîmer sa beauté si je tarde, et allant voir sa beauté dans la glace, voir si sa beauté est toujours là et parfaite, et puis revenant sur le seuil et m'attendant en amour, émouvante sur le seuil et sous les roses. Oh tendre nuit, oh jeunesse revenue, oh merveille, lorsque je serai devant elle. Oh son regard, oh notre amour, et elle s'inclinera sur ma main, paysanne devenue, oh merveille de son baiser sur ma main, et elle relèvera la tête, et nos regards s'aimeront, et nous sourirons de tant nous aimer, toi et moi, et gloire à Dieu. Il lui sourit. Et elle eut un tremblement, baissa les yeux. Atroce ce sourire sans dents. Atroce ces mots d'amour hors de cette bouche vide. Il fit un pas en avant et elle sentit le danger proche. Ne pas le contrarier, dire tout ce qu'il voudra et qu'il parte. Mon Dieu, qu'il parte! Devant toi, me voici, dit-il, me voici un vieillard, mais de toi, attendant le miracle. Me voici, faible et pauvre, blanc de barbe, et deux dents seulement. Mais nul ne t'aimera et ne te connaîtra comme je t'aime et te connais, ne t'honorera d'un tel amour. Deux dents seulement. Je te les offre, avec mon amour. Veux-tu de mon amour ? Oui, dit-elle. Et elle humecta ses lèvres sèches, essaya un sourire. Gloire à Dieu ! Gloire en vérité ! Car voici celle qui rachète toutes les femmes. Voici la première humaine. Ridiculement, il plia le genou devant elle, puis il se leva et il alla vers elle et leur premier baiser. Alla avec son noir sourire de vieillesse. Les mains tendues vers celle qui rachetait toutes les femmes, la première humaine, qui soudain recula avec un cri rauque, cri d'épouvante et de haine, heurta la table de chevet, saisit le verre vide, le lança contre la vieille face. Il porta la main à sa paupière, essuya le sang, considéra le sang sur sa main, et soudain il eut un rire et il frappa du pied. « Tourne-toi, idiote !» Elle obéit, se tourna, resta immobile avec la peur de recevoir une balle dans la nuque. Cependant qu'il ouvrait les rideaux, se penchait à la fenêtre, portait deux doigts à ses lèvres, sifflait. Puis il se débarrassa du vieux manteau et de la toque de fourrure, ôta la fausse barbe, détacha le sparadrap noir qui recouvrait les dents, ramassa la cravache derrière les rideaux. « Retourne-toi » ordonna-t-il. Dans le haut cavalier, aux noirs cheveux désordonnés, au visage net et lisse, sombre diamant, elle reconnut celui que son mari lui avait en chuchotant montré de loin à la réception brésilienne. Oui, Solal, et du plus mauvais goût, sourit-il la belle dent. Botte, montra-t-il, et de joie il cravacha sa botte droite. Et il y a un cheval qui m'attend dehors. Il y avait même deux chevaux. Le second était pour toi, idiote. Et nous aurions chevauché à jamais l'un près de l'autre, jeunes et pleins de dents. J'en ai 32 et impeccables. Tu peux vérifier et les compter. Ou même, je t'aurais emporté en croupe glorieusement vers le bonheur qui te manque. Mais je n'ai plus envie maintenant. Et ton nez est soudain trop grand. Et de plus, il luit comme un phare. Et c'est tant mieux. Et je vais partir. Mais d'abord, femelle, écoute. Femelle, je te traiterai en femelle. Et c'est bassement que je te séduirai, comme tu le mérites. Et comme tu le veux, à notre prochaine rencontre, et ce sera bientôt, en 2 heures, je te séduirai par les moyens qui leur plaisent à toutes, les sales moyens, et tu tomberas en grand imbécile amour. Et ainsi vengerai-je les vieux et les laids et tous les naïfs qui ne savent pas vous séduire, et tu partiras avec moi, extasié et les yeux frais. En attendant, reste avec ton deum jusqu'à ce qu'il me plaise de te siffler comme une chienne. Je dirai tout à mon mari, dit-elle, et elle eut honte, se sentit ridicule, mesquine. Bonne idée, sourit-il, d'elle au pistolet, et à 6 pas, pour qu'il ne me manque pas. Qu'il ne craigne rien, je tirerai en l'air, mais je te connais, tu ne lui diras rien. Je lui dirai tout et il vous tuera. J'adore mourir, sourit-il. Et il essuya le sang de la paupière qu'elle avait blessée. Des yeux frits la prochaine fois, sourit-il encore. Et il enjamba la fenêtre. Couja ! Cria-t-elle. Et de nouveau, elle eut honte. La terre détrempée le reçut. Et il enfourcha le pur sang blanc qui piaffait, maintenu par le balai. Et prenait le cheval, chauvit les oreilles, se cabra, puis se rua au galop. Et le cavalier eut un rire, sûr qu'elle était à la fenêtre. Un autre rire, et il lâcha les rênes, se mit debout sur les étriers, bras écartés, haute statue de jeunesse, riant et essuyant le sang de la paupière qu'elle avait blessée, sang répandu, entraîné sur le torse nu, bénédiction de vie, oh le cavalier ensanglanté, riant et encourageant sa monture et lui disant des mots d'amour. Revenue de la fenêtre, elle écrasa du talon les débris du verre, puis arracha des pages au livre de Bergson, puis lança son petit réveil contre le mur, puis tira à deux mains sur le décolleté de sa robe, et le sein droit jaillit hors de la longue déchirure. Oui, allez voir Adrien, tout lui raconter. Et demain, le duel. Ah, demain, voir le vilain blêmir sous le pistolet de son mari et s'abattre mortellement blessé. Elle s'approcha de la psyché, examina longuement son nez dans la glace. Je suis né à Corfou. Et mes camarades de lycée me disaient, ça je n'oublie pas, jamais tu n'écriras français comme nous, m'avait dit, parce que j'avais un accent étranger à ce moment-là. Jamais tu n'écriras. C'est vrai d'ailleurs, je n'écris pas comme eux. Je ne suis pas un intellectuel, je ne sais pas parler. Je vous le répète, je sais dire que mon genou a un crâne en selle qui s'appelle le capitaine des ventes, ces choses-là, je sais. Mais je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas expliquer. Alors, pour des histoires comme le cocktail Benedetti, ça, je suis très bon. Pour la jalousie, pour ces affaires-là, je suis très bon. Ou bien pour montrer un homme et une femme quand c'est dans les débuts glorieux de l'amour, je sais très bien le faire. Mais expliquer, je ne sais pas. Vous verrez dans les critiques, là, il y a des gens qui disent des choses tellement bien. Je suis le seul épique. Je n'en vois pas d'autres actuellement. Hein? C'est une épopée. Les personnages sont, comme dans les épopées, toujours les mêmes. Dans le délice perpétuel d'être eux-mêmes, les valeureux, ils recommencent toujours la même histoire. Puis je suis très difficile, je ne veux pas ennuyer. Or, je m'ennuie très souvent au film parce que je vois très bien qu'il a voulu faire quelque chose de très moderne et superlificateur et embêtant. Or, il ne faut jamais être embêtant. Il faut mettre du génie entre deux tranches de ruse. Ruse. Vous savez pourquoi je n'ai pas eu le Goncourt? Parce que Roland Dorgelès voulait beaucoup qu'on me le donne, mais on a dit il est trop âgé. Il est trop âgé. Et d'après le testament Goncourt, il faut que ce soit un jeune romancier. Et puis on leur a dit déjà nous avons Mandiarg, je crois, nous avons Coronel et Mandiarg qui a un certain âge, c'est pas possible, etc. C'est dommage parce que le Goncourt m'aurait donné plus de ventes que... Vous savez que Belle du Seigneur a été écrite alors qu'il y a eu 3 opérations chirurgicales. Et grosse et énorme. Et puis j'ai repris chaque fois. Quand je suis arrivé chez Gallimard avec le manuscrit, ça a été une épouvante, mais c'est pas possible. On parle qu'il y a 850 pages. Un petit caractère. Et puis après, tout de même, ils se sont décidés. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs romans que j'ai lu. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup les romans de Dostoïevski. Et ça va vous étonner, ceux de Dickens aussi. C'est un imbécile, mais il a beaucoup de génie. les femmes de Dickens, c'est épouvantable. Toutes ces petites jeunes filles, Arabella, tout ça, qui n'existent pas du tout. J'ai reçu des lettres d'amour de femmes imbéciles qui pensaient que moi, j'avais 30 ans et on allait s'amuser avec moi. Non, il y a eu beaucoup de femmes qui m'ont écrit. C'est le livre que vous préférez, Belle du Seigneur ? Hein ? C'est le livre que vous préférez ? Non, c'est Manche-Clou. C'est Manche-Clou. Mmh. Mais Belle du Seigneur, c'est bien, je me rends compte, c'est bien fait, c'est bien. Il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, chaque fois que j'avais un livre qui devait sortir, j'étais à Paris, je retournais à Genève pour qu'on puisse mettre hommage de l'auteur absent de Paris. Je ne suis pas un intellectuel du tout. Et ce serait très mauvais si j'étais un intellectuel, parce que les intellectuels font de mauvais romans, en général. Tous ces romans faits par les anciens élèves de la normale supérieure, c'est mauvais. C'est mauvais. Il n'y a pas de personnage vrai en chair. Ce sont des prénoms qui circulent. C'est pas... Ah oui. Pourquoi est-ce que j'ai écrit mon premier livre? Tout simplement parce que la femme que je connaissais à ce moment-là avait le tort de m'admirer bêtement. Elle était intelligente, mais sur ce point, toutes les femmes se ressemblent. Elle vous admire sans raison. Je me suis dit, mais je vais peut-être mériter un peu d'admiration en écrivant un livre. Alors je lui ai dicté un livre. Il y avait une autre raison aussi, c'est que, si grand que soit l'amour, au bout d'un certain temps, on s'ennuie avec la bien-aimée. Alors, pour ne pas s'ennuyer avec elle, on lui dicte un livre. On fait un enfant avec elle. Alors, c'est comme ça. Pour mon second livre, Manche-Clou, c'était une période très triste de ma vie. Pour que ma fille soit un peu gaie, j'ai dicté ce livre, Manche-Clou, simplement pour l'amuser. Le livre de ma mère, je l'ai écrit pourquoi ? Parce que ma mère était morte quand j'ai connu ma femme actuelle, ma troisième femme, et ma meilleure épouse. Et je voulais qu'elle la connaisse. Alors je lui ai dicté le livre de ma mère pour qu'elle connaisse la femme qu'elle n'avait pas connue. Et ainsi de suite. Mais je n'ai jamais... Je sais pas, d'abord, je n'écris presque pas, je dicte. En réalité, ce dont je suis beaucoup plus fier que de mes livres, c'est d'être l'auteur de l'accord international du 15 octobre 1946, protection des réfugiés. Alors ça, c'est mon affaire. Le reste, ce sont des rêves. Et je ne sais pas expliquer, surtout qu'on n'attende pas de moi des commentaires sur ce que je fais, je n'en sais rien. Belle du Seigneur, vous l'avez écrit comment ? Je l'ai dicté à ma femme. Et vous l'avez écrit pourquoi ? Par antipathie de la passion. C'est un livre... C'est un livre sensuel d'antipassion. Armé de sa lourde canne à corbin d'ivoire, conscient de ses guêtres claires et de ses gants jaunes, satisfait du délicieux déjeuner qu'il venait de faire à la perle du lac, il allait à grands pas importants, charmé de ses toxines brûlées par cette longue promenade de digestion. Arrivé devant le palais des nations, il le savoura. Levant la tête et aspirant fort par les narines, il en aima la puissance et les traitements. Un officiel. Il était un officiel, nom d'un chien. Et il travaillait dans un palais immense, tout neuf, archi-moderne, mon cher, tout le confort. Et pas d'impôt à payer, murmura-t-il en se dirigeant vers la porte d'entrée. Ennobli de sociale importance, il répondit au salut de l'huissier par un hochement protecteur et s'engagea dans le long couloir, humant la chère odeur d'encaustique et saluant avec féminité tout supérieur rencontré. Entré dans l'ascenseur, il se contempla dans la glace. Adrien Deum, fonctionnaire international, confia-t-il à son image. Et il sourit. Oui, Génial, cette idée qui lui était venue hier de fonder une société de conférences littéraires. Ce serait le bon truc pour augmenter son capital de relations. Dans le comité d'honneur, toutes les huiles du secrétariat, décida-t-il en sortant au quatrième étage. Oui, avoir des contacts avec les huiles à l'occasion de trucs non administratifs, des trucs un peu mondains et artistiques, c'était le joint pour arriver à des rapports personnels. Offrir la présidence d'honneur au grand patron avec qui il aurait des entretiens fructueux et plus tard, devenu intime, action astucieuse en vue de promotion au grade A. La porte du cabinet s'ouvrit et Adrien osa refuser de passer le premier, puis osa obéir. Suivi par les regards des huissiers dont les cocottes avaient disparu, les deux fonctionnaires se promenèrent dans le hall, le grand parlant et le petit écoutant, tête adorante vers Solal, qui soudain le prit par le bras. Chaste et timide, bouleversé par ce sublime attouchement et par tant de bonté, l'esprit délicieusement en déroute, Adrien II allait immatériellement aux côtés du chef. Allait, et tremblait de s'embrouiller dans sa marche et de mal régler son pas sur le pas auguste, sentimental et confus, souriant et transpirant, éperdu d'être palpé par une main hiérarchique, trop troublé pour sentir toute la douceur d'un tel contact. Il allait d'un pas glissant et distingué, écoutant de toute son âme et ne comprenant rien. Séduit et féminin, frémissant et léger, spiritualisé, vierge bouleversée et timide épousée, conduite à l'autel, il allait au bras du supérieur. Et son sourire de jouvencelle était délicatement sexuel. Intime. Il était intime avec un supérieur. Avait enfin des rapports personnels. Oh, bonheur de son bras tâté. C'était la plus belle heure de sa vie. Où est mon mari ? Demanda-t-elle aussitôt entrée, cependant qu'il la saluait, la main aux lèvres, puis au front. Il vient de partir pour le palais, je vous expliquerai. Mais vous n'expliquez rien, je vous prie, car je sais. Je sais que, horreur de me voir, et que si venu tout de même, c'est pour ne pas lui faire de la peine. Et que si vous ne lui avez pas parlé de mon attitude inqualifiable, c'est uniquement pour éviter un scandale nuisible à sa carrière. Tu sais, chouchou, ça a bien marché avec le boss. Il me tutoie, il me dit « Adrien ». Ainsi, vous dira-t-il, lorsque vous serez seul. Donc, soyez en paix. À quoi pensez-vous ? Que vous êtes odieux. C'est vrai, dit-il et il souriait aimablement. Maintenant, je vais vous expliquer. Lorsqu'on vous a annoncé, votre mari m'a proposé de me laisser seul avec cette dame de l'Himalaya. Je l'ai prié de rester, mais il a voulu être discret, m'a assuré qu'il avait un travail urgent à terminer. J'ai insisté pour qu'il reste, mais il m'a dit qu'il se permettait de me désobéir. Que faire ? Guyenne l'a fait sortir sans que vous le voyiez. Puisque nous sommes seuls, je vais vous séduire. Vous êtes ignoble. Bien sûr, sourit-il. Mais dans 3 heures, les yeux frits, comme je vous l'ai promis. Oui, séduite par les misérables moyens qu'elles aiment et que vous méritez, éborgneuse de vieillard. Le jour du vieux, j'étais prêt à vous emporter sur le cheval qui attendait en bas. Mais ce soir, vous me déplaisez. De plus, voyant votre considérable nez en pleine lumière, je suis épouvantée. Mufle, dit-elle. Voici, je vous propose un pari. Si dans 3 heures vous n'êtes pas tombée en amour, je nomme votre mari directeur de section. Foi de gentilhomme et sur la tête de mon oncle. Acceptez-vous ? Si vous préférez partir, libre à vous, ajouta-t-il après un silence, et il indiqua la porte. Par ici la sortie du nez, Il pourra passer sans peine, je l'espère. Goujat ! Dit-elle, muscle maxillaire saillant. Eh bien, partez-vous ou acceptez-vous le pari ? J'accepte le pari, dit-elle, et elle le regarda droit. Sûr d'elle ? Sourit-il. Une condition toutefois, jusqu'à 1 heure du matin, vous gardez le silence, d'accord ? Oui. Parole d'honneur ? Je n'ai pas à la donner, mon oui est oui. Et votre non aussi. Donc, à 1 heure du matin, vous, lieu free, et à 1h40, vous et moi, gare pour départ ivre mer soleil. À quoi pensez-vous ? Bien sûr, cela devait venir. Allons, dites ce que vous avez envie de dire. Allons, vite, pendant qu'il est temps. Car à 1 heure du matin, tu lèveras vers moi des yeux extasiés. Allons, dites. Sale juif ! Dit-elle, et elle eut un preste coup d'œil d'enfant méchante. Merci, au nom de votre Christ. Circoncis en son 8e jour. Peu importe d'ailleurs. Nous méprisons vos mépris. Sois béni, éternel, notre Dieu, qui nous a élus entre tous les peuples et élevés au-dessus de toutes les nations. Ainsi, disons-nous le soir de notre Pâques. Choqué par ma robe de chambre ? En général, elles acceptent mes robes de chambre. Plus tolérante que les hommes, parce que moins sociale, surtout les jeunes. Ce qu'elles ont de bien aussi, c'est qu'aussitôt entrées en passion, elles deviennent philosémites. Vous verrez, à tout à l'heure. En attendant, poudrez votre nez, il brille. Lorsqu'il revint, les cheveux désordonnés, hauts et sveltes, dans un smoking de soie blanche, il alla devant la glace, noua sa cravate de commandeur, se plut, se tourna vers elle pour voir l'effet. Comme elle restait immobile, il feignit un début de bâillement réprimé, puis posa sur le guéridon une feuille pliée en deux. C'est la nomination que vous remettrez à votre mari en cas d'échec. Directeur de la section du désarmement. Il n'y fera rien tout aussi bien qu'un autre. Je vous félicite, votre nez ne brille plus. Ce smoking me va bien, je crois, n'est-ce pas ? Oui, il me va bien. Merci. Il prit une rose, la respira profondément, la jeta derrière lui. Un chapelet de santal à la main, il arpenta le salon, puis retourna à la glace, ausculta sa poitrine. L'endroit sûr était à l'angle formé par le bord du sternum et le troisième espace intercostal. Mais le moment venu, erreur possible en appuyant le canon. Parce que tout de même, quelque émotion de départ. Donc, marquer à l'avance l'endroit sûr. S'y faire tatouer un point bleu. Soudain, la sonnerie y décrocha. Bonsoir, Adrien. Non, vous ne me dérangez pas. Oui, il me faudra aussi vos commentaires. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Non, je vous l'ai dit, vous ne me dérangez pas. Je n'ai pas encore commencé de la séduire. À propos, dans votre roman, n'oubliez pas le mépris d'avance de Don Juan. Comme je vous l'ai dit, ce mépris, c'est parce qu'il sait que s'il le veut, dans 3 jours ou même dans 3 heures, cette fière sociale, si digne en son fauteuil, il sait que s'il le veut, elle recoulera de certaines idiotes façons et prendra dans le lit diverses positions peu compatibles avec sa dignité actuelle. Et affaire de stratégie. Alors d'avance, il ne la respecte pas énormément et il trouve comique qu'elle fasse tant la convenable en son fauteuil. Comique qu'elle s'offusque de sa robe de chambre. Comique, puisqu'il sait que s'il s'en donne la peine, elle fera bientôt les habituels sauts de carpe, haletante et animale servante de nuit. nu et sursautant sous lui. Pauvre Juan. Parfois doucement gémissante et parfois fortement remuante. Et toujours les yeux blancs de sainte extasiée. Oh, celle qui ne se laissera pas séduire ou qui sera mienne pour de nobles raisons. Mon front dans la poussière toute ma vie. Mépris d'avance donc, mais payé d'un regret toujours ouvert, toujours saignant. Étrange envie soudain de me confier à toi, cher Adrien. Oh, les feintes et les comédies auxquelles il m'oblige. Car il faut que je vive, et pas en hagard et miteux pourfendeur. D'autres détails sur Don Juan ? Eh bien, par exemple, il écoute peu celui qui lui parle, parce qu'il est en train de le connaître en le regardant, ce qui est plus intéressant. Mais pourtant, toujours cette séparation d'avec les autres, même d'avec ceux qu'il aime. Il les voit, mais il ne les sent pas réels, autres que lui. Ils lui sont des imaginations, des figures de rêve. Il est toujours seul. N'en est pas. Joue la comédie d'en être. Quoi encore ? La présence continuelle de sa mort, sa manie de l'ordre rassurant, l'attrait de sa mort à 3 heures du matin, l'attrait de l'échec aussi. À Londres, l'année dernière, une jeune duchesse ou quelque chose dans ce genre, à qui il venait d'être présenté, il lui a plu aussitôt. Ils sont allés dans un petit salon, loin des autres, pour causer, c'est-à-dire pour commencer, ce qui finit toujours dans un lit. Alors lui, une envie irrésistible de toucher le dernier os de la colonne vertébrale de la duchesse, un os qui s'appelle le coccyx. C'est ce qu'il a fait alors qu'elle se disposait à s'asseoir. Il lui a dit qu'il a voulu sentir les restes de la queue des lointains ancêtres de cette duchesse. Elle n'a pas approuvé cet intérêt. Encore ? Malgré le mal qu'il en dit, il n'est bien qu'avec les femmes. Avec les hommes, il doit se tenir à carreau, faire le raisonnable. Elle, par contre, ne le critique pas, l'accepte, trouve naturelles ses robes de chambre, naturelles ses chapelets, maternelles. Il a besoin d'être aimé. Primo, divertissement pour oublier la mort, et que nulle vie après, que nul Dieu, nul espoir, nul sens, rien que le silence d'un univers sans raison. Bref, par l'amour d'une femme, s'embrouiller et recouvrir l'angoisse. Secondo, recherche d'un réconfort. Par l'adoration qu'elle lui voue, elle le console d'être dépourvu de ses semblables. Telle est la grandeur dont la suivante est dame d'honneur, annonce solitude. Tertio, elle le console aussi de n'être pas roi. Car il est fait pour être roi, de naissance, et sans y prendre peine. Roi, il ne peut. Chef politique, il ne daigne. Car pour être choisi par la masse, il faut être semblable à elle, un ordinaire. Il règnera donc sur les femmes, sa nation, et il les choisira nobles et purs, car quel plaisir d'asservir une impure. D'ailleurs, les nobles et purs sont meilleures servantes de lit. Antipathique, est-elle en train de penser. Et c'est bon signe. Honte de devoir leur amour à ma beauté, mon écœurante beauté qui fait battre les paupières des chéris, ma méprisable beauté, dont elle me casse les oreilles depuis mes 16 ans, elles seront bien attrapées lorsque je serai vieux et que la goutte au nez, ou mieux encore sous la terre en compagnie de ses racines et de ses silencieux vermisseaux ondulants, tout verts et desséchés dans ma caisse disjointe, et elles me trouveront moins succulent alors, et bien fait pour elles. Et je m'en régale déjà. Ma beauté, c'est-à-dire une certaine longueur de viande, un certain poids de viande et des osselets de bouche au complet, 32, vous pourrez contrôler tout à l'heure avec un petit miroir comme chez le dentiste, à toute fin et garantie utile, avant le départ, ivre vers la mer. Affreux, car cette beauté qu'elles veulent toutes, paupières battantes, cette beauté virile, qui est haute taille, muscles durs et dents mordeuses, cette beauté, qu'est-elle sinon témoignage de jeunesse et de santé, c'est-à-dire de force physique, c'est-à-dire de ce pouvoir de combattre et de nuire qui en est la preuve, et dont le comble, la sanction et l'ultime secrète racine est le pouvoir de tuer, l'antique pouvoir de l'âge de pierre. Et c'est ce pouvoir que cherche l'inconscient des délicieuses, croyantes et spiritualistes. D'où leur passion pour les officiers de carrière. Bref, pour qu'elles tombent en amour, il faut qu'elles me sentent tueur virtuel, capable de les protéger. Quoi ? Parlez ? Je vous y autorise. Pourquoi n'allez-vous pas dire votre amour à une vieille bossue ? Oh, elle fait l'intelligente. Pourquoi ? Parce que je suis un affreux mâle. Que les velus soient carnivores, j'accepte. Mais elle, elle en qui je crois, elle m'est pure, je n'accepte pas. Elle, avec leur regard, leur noble geste, leur pudeur, elle, découvrir sans cesse qu'elles exigent de la beauté pour me donner leur amour. Seul sentiment divin sur cette terre. C'est ma torture et j'en crève. Je n'arrive pas à accepter parce que je n'arrive pas à ne pas les respecter. Ainsi suis-je éternellement fils de la femme. Et j'ai honte pour elle lorsqu'elle me regarde et me mesure et me soupèse et que des yeux, oui, oui, des yeux, elle flaire ma carapace et ses arrangements. Honte lorsque je vois leur regard soudain intéressé et sérieux, respectueux de ma viande. Honte pour elle lorsque je les surprends charmés par mon sourire, ce petit morceau déjà visible de mon squelette. Adoration de la force. Oui, de la force. Car par les richesses, leurs alliances, leurs amitiés et leurs relations, les importants sociaux ont le pouvoir de nuire. De quoi je conclus que votre respect de la culture, apanage de la caste des puissants, n'est en fin de compte, et au plus profond, que respect du pouvoir de tuer, respect secret, inconnu de vous-même. Bien sûr, vous souriez. Ils souriront tous et ils hausseront les épaules. Ma vérité est désobligeante. Ainsi, dès que le grand babouin adulte entre dans la cage, ainsi les babouins mâles, mais adolescents et de petite taille, se mettent à quatre pattes, en féminine posture d'accueil et de réception, en amoureuse posture de vassalité, en sexuel hommage au pouvoir de nuire et de tuer, dès que le grand redoutable babouin entre dans la cage. Lisez les livres sur les singes et vous verrez que je dis vrai. Babouinerie partout. Babouinerie et adoration animale de la force. Le respect pour la jante militaire, détentrice du pouvoir de tuer. Babouinerie. Les mois de respect lorsque les gros tanks défilent. Babouinerie, les cris d'enthousiasme pour le boxeur qui va vaincre. Babouinerie, les encouragements du public. Vas-y, endors-le. Et lorsqu'il a mis Knockout l'autre, il sort fier de le toucher, de lui taper dans le dos. C'était du sport, ça, crie-t-il. Babouinerie, l'enthousiasme pour les coureurs cyclistes. Babouinerie, la conversion du méchant que Jack London a rossé et qui d'avoir été rossé en oublie sa haine et adore désormais son vainqueur. Babouinerie partout. Babouine. Les foules passionnées de servitude, frémissantes foules en orgasme d'amour lorsque paraît le dictateur au menton carré, dépositaire du pouvoir de tuer. Babouine, les mains tendues pour toucher la main du chef et s'en sanctifier. Babouin, les attachés de cabinet sages et religieux, debout derrière leur ministre qui va signer le traité. Et il s'empresse avec le buvard, honoré de saintement sécher la signature. Oh, les dévoués petits babouins. Babouins, les sourires attendris des ministres et des ambassadeurs entourant la reine qui embrasse la petite fille au bouquet. Babouins, le sourire de Benedetti l'autre jour à la 6e commission pendant que le vieux chêne lisait son discours. Sur le grave visage de ce salaud, un sourire que les mois de respect rendaient bon, virginal, délicat. Mais ce sourire signifiait aussi qu'il s'aimait en son amour pour le grand patron, car de cette adorable importance qui discourait, il se sentait participer. Le gorille, toujours le gorille. Elle proteste et s'écrie que je les calomnie, puisqu'elles veulent que ce gorille soit en même temps moral. Ce gorille, viandu et costaud et ayant du caractère, c'est-à-dire tueur virtuel. Elles exigent en effet qu'ils disent des paroles nobles, qu'ils leur parlent de Dieu et qu'ils lisent la Bible ensemble le soir avant de se coucher. Alibi et comble de la perversité. Rien à faire. Paléolithiques, elles sont paléolithiques, descendantes des femelles au front bas, qui suivait humblement le mâle trapu et sa hache de pierre. Tu lui diras naturellement qu'elle est la seule et l'unique. Elles y tiennent aussi, que ses yeux sont ouverture sur le divin. Elle n'y comprendra goutte, mais trouvera si beau qu'elle fermera les dites ouvertures et sentira qu'avec toi, ce sera une vie constamment déconjugalisée. Pour faire bon poids, dis-lui aussi qu'elle est odeur de lilas, et douceur de la nuit, et chant de la pluie dans le jardin, du parfum fort et bon marché. Tu la verras plus émue que devant un vieux lui parlant avec sincérité. Toute la ferblanterie, elles avalent tout, pourvu que voix violoncellante. Vas-y, avec violence, afin qu'elles sentent qu'avec toi, ce sera un paradis de charnellerie perpétuelle. Ce qu'elles appellent vivre intensément. Et n'oublie pas de parler de départ ivre vers la mer. Elles adorent ça. Départ ivre vers la mer. Retiens bien ces 5 mots. Leur effet est miraculeux. Tu verras alors frémir la pauvrette. Choisir pays chaud, luxuriance, soleil. Bref, association d'idées avec rapport physique réussi et vie de luxe. Partir est le maître mot. Partir est leur vice. Dès que tu lui parles de départ, elle ferme les yeux et elle ouvre la bouche. Elle est cuite. Et tu peux la manger à la sauce tristesse. C'est fini. Voici la nomination de votre mari. Aimez-le. Donnez-lui de beaux enfants. Adieu. Adieu, madame. Adieu, murmura-t-elle et elle resta immobile. Le pauvre discours du vieillard, vous rappelez-vous ? Au champ dans l'auto qui vers elle me mènera, vers elle qui m'attendra vers les longs cils étoilés. Oh, son regard lorsque j'arriverai, elle sur le seuil m'attendant, élancée et de blanc vêtue, prête et belle pour moi, prête et craignant d'abîmer sa beauté si je tarde, et allant voir sa beauté dans la glace, voir si sa beauté est toujours là et parfaite, puis revenant sur le seuil et m'attendant en amour, émouvante sur le seuil et sous les roses. Ô tendre nuit, ô jeunesse revenue, ô merveille lorsque je serai devant elle, ô son regard, ô notre amour. Et elle s'inclinera sur ma main. Oh, merveille de son baiser sur ma main. Et elle relèvera la tête, et nos regards s'aimeront, et nous sourirons de tant nous aimer, toi et moi. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voici, elle s'inclina et ses lèvres se posèrent sur la main de son Seigneur, et elle leva les yeux, le contempla, vierge devenue saintement, contempla le visage d'or et de nuit, un tel soleil. Un sourire égaré aux lèvres tremblantes, il considéra sa main baisée, la porta à ses yeux. Que faire pour lui prouver? Le poignard de Michaël, et sans percer, et jurer par le sang qui coulerait, mais alors le smoking serait souillé, et c'était son plus beau, et il devrait la laisser pour aller se changer. Tant pis, pas de poignard. Et avec elle toujours, toujours, et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle le contemplait, mais elle n'osait parler, craignait de ternir une majesté. Et puis sa voix serait enrouée peut-être. Croyante et jeune, elle contemplait gravement son Seigneur, éperdument le contemplait, respirait avec peine, glacée, tremblante d'amoureuse frayeur, un mal de bonheur aux lèvres. De la salle de bal montèrent des appels, guitare hawaïenne lâchant à regret leurs longs sanglots purs, sanglots venus du cœur, doux sanglots étirés, liquides tueurs d'âme, infinis sanglots des adieux. Alors, il la prit par la main, et ils sortirent, lentement descendirent. Oh, grave marche. Quand je vois à la télévision des romanciers expliquer si bien, si intelligemment ce qu'ils ont fait, je m'empresse d'acheter le livre, parce que je suis plein d'admiration pour eux de savoir si bien su parler. Et le livre, c'est le plus souvent, c'est plus sec que caroube. Ça ne vaut rien, ce n'est rien. Pourquoi? Parce que ça n'est pas jailli de notre tréfonds mystérieux. Oh, il y a un mot de Gustav Mahler qui me plaît. Comment est-ce qu'il dit ? Oui, il dit : l'artiste est un archer qui tire dans le noir. Un archer qui tire dans le noir. Je reviens toujours à ça, c'est un rêve. Tous mes livres ont été des rêves. Ah, sauf le livre de ma mère. Oui. Ça, parce que vraiment, ça, je savais, il y avait un modèle. Mais vous avez aussi voulu le raconter. Vous avez voulu raconter votre mère, c'est ça oui. Que vous disiez tout à l'heure. Mmh. Ah, puis aussi le petit dernier là, aux vous frères humains, parce que je raconte ce qui m'est arrivé. Et ce sont des choses vraies. Ce sont ces deux livres intimes, alors c'est autre chose. Mais tout le reste, c'est rêvé. Et il y a une grande unité dans ce rêve. Oh oui, je suis un ressasseur. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi disaient toujours la même chose. Mais par exemple, pour les personnages des Deumes, vous n'avez pas eu de modèle tout de même ? Ah, vous savez, je vais vous dire, il y a des graines. Ces graines font des baobabs, ensuite font des mais le point de départ est tellement... Bien sûr, j'ai connu des protestantes, oui, mais enfin c'est autre chose. Non, rien n'existe vraiment dans la réalité de ce que j'ai fait. Que de femmes ont écrit, mais comment savez-vous tout ça ? Comment savez-vous qu'une femme, lorsque son mari la procède, pense de cette manière-là ? Comment le savez-vous ? Personne, je n'ai jamais eu de confidence. Or, Ariane, à certains moments, lorsque elle est tourmentée par son mari qui est au-dessus d'elle, n'est-ce pas, pense à certaines choses. Alors, il y a des femmes qui m'ont dit, mais c'est effrayant. Les confidences que vous avez dû recevoir, j'en ai pas reçu. Non, tout ça, en fin de compte, voyez-vous, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Par amour, j'entends que si j'ai un... Si j'ai un défaut ou une qualité, c'est que lorsque je vois quelqu'un, je suis lui. Il y a une identification totale bizarre aux êtres que je vois. Albert Cohen, Belle du Seigneur, Le piège à souris. Une série d'émissions de Françoise Esteb et Jean Couturier. Avec Albert Cohen. Claude Rich interprétait le rôle de Solal et Colette Berger le rôle d'Ariane. Daniel De Schepper, Adrien Deume. Prise de son et mixage, Myron Merson. Assistant de production, Bruno Sourcy. Réalisation, Françoise Esteb, Jean Couturier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 août 1982. Demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, deuxième volet de la série, Albert Cohen, Belle du Seigneur, Les Anges paléolithiques. D'ici là, vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, et commencer à lire ou relire Solal, Mangeclou, Les Valeureux et Belle du Seigneur, bref, le cycle romanesque paru en quarto Gallimard.